Chapitre 21e. S'il avait osé, elle aurait quitté l'opéra pour se soustraire à cette curiosité et à ses visites. Mais il ne lui convenait pas de paraître fuir. Elle resta jusqu'au quatrième acte, et ce fut alors seulement qu'elle se retira. Dans l'escalier, elle rencontra Serkis Pacha qui arrivait pour la voir. « Et quoi ? » dit-il en l'arrêtant. « Vous partez ? Je vais voir ma mère. Vous savez la grande nouvelle ?» Le mariage du colonel Chamberlain, n'est-ce pas? Avec la belle Carmelita. Je viens de l'annoncer au baron Lazarus. Ah, très drôle. Vous êtes un démon d'esprit, un ravissant démon. Il voulut la retenir, mais elle le quitta. Je suis attendu chez ma mère. Et descendant rapidement l'escalier, presque en courant, elle se sauva. Mais elle ne se fit pas conduire chez sa mère comme elle l'avait annoncé. La voiture qui l'attendait était le coupé noir traîné par les chevaux et conduit par le cocher anglais que le colonel lui avait donné. « À l'hôtel, » dit-elle en baissant la glace pour parler à son cocher. Et les chevaux, touchés légèrement avec le bout de la mèche du fouet, partirent de ce train rapide qui défiait les poursuites. En quelques minutes, ils arrivèrent rue de Courcelles. « Ne dételez pas, » dit la marquise en descendant, « je vais ressortir. » En effet, elle ne resta que fort peu de temps chez elle, et sa femme de chambre, après l'avoir aidée à remplacer sa toilette de théâtre par une toilette de ville, la vit chercher dans un meuble où elle prit une petite clé qu'elle plaça dans sa poche. Cela fait, elle remonta en voiture. Sans rien dire, elle fit un simple signe à son cocher. Mais celui-ci, bien qu'il la regarde avec attention, parut n'avoir pas compris ce signe. Alors elle le répéta et le confirma d'un mouvement de tête. Comme le concierge se tenait appuyé contre la grande porte ouverte, regardant ce dialogue muet avec une curiosité indiscrète, le cocher ne se permit pas de préciser sa question par une parole qui aurait été entendue. Il toucha ses chevaux qui partirent. Mais aussitôt qu'il eut fait quelques pas qui le mettaient hors de la portée des regards du concierge, il se pencha vers la glace restée ouverte. « Rue de Valois ? » demanda-t-il. « Oui. » Il ne lui fallut que quelques secondes pour arriver devant la petite porte où si souvent il avait déposé et repris sa maîtresse. La marquise, enveloppée dans un grand vêtement sombre et la tête couverte d'une épaisse voilette, descendit de voiture. Mais au lieu de renvoyer son cocher en lui indiquant, comme à l'ordinaire, l'heure à laquelle il devait venir la reprendre, elle lui dit d'attendre. Puis, traversant le trottoir, elle introduisit la clé dans la petite porte. Mais bien que la clé tournât librement dans la serrure en faisant jouer le pen, la porte ne s'ouvrit point. Elle était fermée à l'intérieur par un verrou. Madame de Lucilière resta un moment embarrassée devant cette porte qu'elle poussait et qui refusait de s'ouvrir. Mais son hésitation ne fut pas longue, comme toujours et en toutes circonstances, elle prit vivement sa résolution. « Rentrez !» dit-elle au cocher. Bien que cet ordre eût tout lieu de le surprendre, le cocher ne répliqua point. Mettant aussitôt ses chevaux au pas, exactement comme si lui et eux eussent été des machines dont la marquise tenait dans sa main le levier de marche, il prit le chemin de l'hôtel de Lucilière. Longeant le mur du jardin de la rue de Valois, la marquise, sans s'inquiéter de leur avancée et de la solitude de ce quartier désert, se dirigea vers l'entrée principale de l'hôtel Chamberlain. À son coup de marteau, la porte s'ouvrit et le concierge parut sur le seuil de sa porte. « Monsieur Horace Cooper ? » demanda la marquise d'une voix faible. « Vous dites, madame ? » fit le concierge. Comme la marquise était enveloppée dans un manteau et comme son visage était caché sous un voile épais, il était impossible de la reconnaître. « Je demande à voir M. Horace Cooper, » répéta la marquise, « n'est-il pas ici ?» Le concierge, sans lui répondre, se retourna vers l'intérieur de sa loge et Madame de Lucilière entendit des éclats de rire à demi étouffés. « Une dame demande M. Horace, » dit le concierge, « est-il chez lui ?»« Déjà, » répliqua une voix. « À l'hôtel !» répliqua une autre. « C'est vraiment trop fort. »« Il est chez lui, » dit une autre. « Il s'habille pour sortir. »« Si madame veut monter à la chambre de M. Horace, » dit le concierge, « elle le trouvera en train de s'habiller. » Madame de Lucilière, rassurée par son voile, ne se laissa pas déconcerter. « Faites prévenir M. Horace qu'une dame l'attend au parloir, » dit-elle. Et en femme qui sait où elle va, elle traversa la cour pour entrer à l'hôtel. « Est-ce que celle-là est déjà venue ?» demanda une voix. « Je ne la connais pas. » Mais il n'a pas perdu de temps pour venir. Le nègre est arrivé ce matin et déjà j'ai reçu 3 billets pour lui, l'un avec un bouquet. Si ça ne fait pas hausser les épaules. Mais qu'est-ce qu'il a donc pour lui, ce moricaud ? Demanda une voix de femme. Je vous le demande, mademoiselle Isabelle. Ça va recommencer comme avant son départ, et on va le revoir dormir tout debout. » Cependant, madame de Lucilière avait monté le perron de l'hôtel, et la porte vitrée, tirée par un balai de pied en grande livrée, s'était ouverte devant elle. Malgré l'heure avancée, l'hôtel était encore éclairé du haut en bas et les domestiques étaient à leur poste. Cela inspira une certaine crainte à la marquise. Peut-être le colonel était-il chez lui, alors il pouvait la rencontrer. De même, quelques personnes de son monde pouvaient, en traversant le vestibule, l'apercevoir et la reconnaître. Par un mouvement de crainte instinctive, elle serra son manteau autour d'elle. Puis, tout de suite, réfléchissant que c'était le meilleur moyen pour se faire reconnaître, elle le laissa retomber. « Monsieur le colonel n'est pas rentré, » dit le domestique. « C'est Monsieur Rice que j'ai affaire, » dit-elle avec un accent anglais très prononcé. Il était plus important, en effet, de changer sa voix pour ce domestique qui tant de fois l'avait introduite que pour le concierge. Puis, sans attendre de réponse, elle entra dans le parloir, rassurée jusqu'à un certain point par l'absence du colonel. Elle attendit pendant près de 10 minutes. Puis enfin, la porte s'ouvrit devant Horace, qui venait de s'habiller pour sortir, et portait sur sa personne, dans ses vêtements comme dans son linge, tous les parfums à la mode. Il s'avançait vivement, les bras arrondis, le visage souriant, lorsque de sa main, elle lui fit signe de fermer soigneusement la porte par laquelle il venait d'entrer. Il fit ce qu'elle lui demandait. Mais lorsqu'il se retourna pour revenir vers elle, il s'arrêta, stupéfait, interdit, les bras levés, la bouche ouverte. Elle avait rejeté son voile en arrière. Il fut un moment sans parler, tant sa surprise était violente. Mais enfin, la voix lui revint. « Madame la marquise, » s'écria-t-il, « moi-même, mon bon Horace. » Puis comme il la regardait avec des yeux fixes, « Je vous fais donc peur, » dit-elle. « La surprise, l'étonnement. Quand votre maître doit-il rentrer ?»« D'un moment à l'autre, je pense. Je l'attendais pour sortir, il est chez... » Horace s'arrêta. « Chez mademoiselle Belmonte, » acheva la marquise. « Madame la marquise sait. » « Le mariage prochain du colonel avec mademoiselle Belmonte, parfaitement, et voilà pourquoi il faut que je lui parle ce soir. »« Mais, madame la marquise, mon beau Horace, il le faut et je compte sur vous. » Horace était resté, pour madame de Lucilière, dans ses sentiments d'admiration et d'adoration d'autrefois. Pour lui, elle était toujours la plus séduisante de toutes les femmes, et sans savoir au juste quelle cause avait amené une rupture entre elle et son maître, il regrettait vivement cette rupture. Bien souvent, il se disait que le colonel avait peut-être été trop prompt à se fâcher. Quand on a le bonheur d'être aimé par une femme telle que madame de Lucilière, il ne faut pas être trop rigoureux, et l'on doit lui passer bien des choses. C'était d'ailleurs son propre système, faible avec les femmes en proportion de leur beauté. Tout est permis, à une belle femme, rien ne l'est, à une laide. Assurément, Carmelita aussi était belle, très belle, mais il préférait le genre de beauté de madame de Lucilière, qui à ses yeux était le charme en personne, la séduction. Et puis Carmelita voulait se faire épouser, et il n'était pas pour le mariage, au moins à l'âge qu'avait présentement le colonel. Plus tard, il serait temps. Comment consentir à n'avoir qu'une femme quand on pouvait les avoir toutes? C'était non seulement au point de vue de son maître qu'il se plaçait pour condamner le mariage, mais encore aussi impropre. Une femme dans la maison dérangerait toutes ses habitudes et toutes ses idées. Elle le gênerait aussi bien dans les choses matérielles que dans ses sentiments. Il ne pourrait jamais obéir à une femme qui parlerait au nom d'un droit et en vertu du principe d'autorité. Qu'une femme lui demandât n'importe quoi comme un service, il se jetterait à travers le feu ou l'eau pour le faire. Mais qu'elle lui demandât la même chose, sans qu'il pût recevoir d'elle un remerciement ou un sourire, il ne le ferait pas. Dans ces conditions, madame de Lucilière, l'appelant « mon beau Horace » et lui disant « je compte sur vous », devait produire sur lui une vive émotion. Ce fut ce qui arriva. « Que puis-je pour madame la marquise ? » dit-il en saluant. « Une chose bien simple, me conduire dans l'appartement du colonel où j'attendrai son retour. » Horace avait la certitude que son maître ne serait pas satisfait de trouver en rentrant madame de Lucilière installée dans son appartement et l'attendant. Aussi ses demandes lui causa-t-elle un véritable embarras. D'un côté, il voulait être agréable à madame de Lucilière, de l'autre, il ne voulait pas mécontenter son maître. Comment se tirer de là ? Avant qu'il eût trouvé un moyen et une réponse, la marquise continua. Il est de la plus haute importance que je voie votre maître ce soir, et vous devez bien penser que si je suis venu ici à pareille heure, ce n'est point la légère. Je dois vous avouer car je ne veux rien vous cacher, et il ne me convient pas d'essayer de vous tromper. Je dois avouer que si j'avais prévenu votre maître de mon arrivée, il ne se serait très probablement pas trouvé ici. De même, je vous avoue encore que si je demandais à le voir, il s'arrangerait pour ne pas me recevoir. Il s'est élevé entre nous des difficultés fâcheuses, qui ont amené une rupture. Mais ces difficultés, cette rupture, ne modifient en rien mes sentiments. J'ai toujours pour lui une vive amitié, et comme en ce moment cette amitié peut lui rendre un service capital, duquel dépendent son bonheur et sa vie, je veux lui faire une sorte de violence pour arriver auprès de lui. Il est probable que sur le premier moment il sera fâché, mais bientôt il reviendra sur ce premier mouvement et vous saura gré du concours que vous m'aurez prêté. » Comme Horace demeurait hésitant, elle insista. « Vous devez comprendre que cette entrevue aurait lieu en tous les cas, alors même que vous refuseriez ce que je vous demande. Seulement il est préférable pour tous qu'elle soit secrète, et voilà pourquoi je m'adresse, je veux dire pourquoi je me confie à vous. » Assurément, on ne mettrait pas la marquise à la porte, et puisqu'elle était entrée dans l'hôtel, il importait peu en réalité que l'entretien qu'elle voulut eût lieu dans ce parloir ou dans l'appartement du colonel. Et puis, elle se confia à lui, elle, la marquise de Lucilière. « Si madame la marquise veut me suivre, » dit-il en se dirigeant vers la porte. Mais, avant de le suivre, madame de Lucilière amena son voile sur son visage et arrangea les plis de son manteau. Deux autres domestiques étaient venus rejoindre le valet de pied dans le vestibule. En voyant cette femme voilée, monter derrière Horace l'escalier d'honneur, au lieu de prendre l'escalier de service, ils se regardèrent tous les trois avec des mines étonnées. L'un d'eux était le maître d'hôtel. « Voilà qui explique la puissance de ce nègre, » dit-il. « Il fait un joli métier. » « Elle a demandé M. Horace Cooper. » « Précisément. Comme le colonel va se marier, il veut sauvegarder les apparences. C'est pour cela qu'on demande M. Horace Cooper. » « Si cela n'était pas impossible, je jurerais que cette femme est la marquise de Lucilière, » dit le valet de pied. « Ne jurez pas, ce serait un faux serment. » « Je ne dis pas non, mais en tout cas c'est la taille et la démarche de la marquise. » « C'est peut-être pour cette taille et pour cette démarche que le colonel l'a choisie. »« Pour retrouver la marquise ? Juste. » Cependant, madame de Lucilière, suivant Horace, était entrée dans la bibliothèque. « J'attendrai ici, » dit-elle. Il s'assit sur un fauteuil, tandis qu'Horace arrangeait les lampes. « Il y a une question que je n'ai pas encore pu vous faire, » dit-elle. « Comment se porte le colonel ?» « Bien, madame la marquise, je vous remercie. » « Il n'a pas été souffrant à son arrivée en Suisse ?»« Souffrant, non, pas précisément. Cependant, il n'était pas à son aise. Sans qu'on vit en lui une maladie particulière, il est certain qu'il n'était pas dans son état ordinaire. Se plaignait-il, ou jamais ?»« On pourrait mettre mon colonel sur un grill, avec un bon feu sous lui, le tourner, le retourner, comme on a fait pour Saint-Laurent. Il ne se plaindrait pas. Du reste, madame la marquise l'a vu à Chalençon. » Elle l'a soigné, et elle sait mieux que personne si ce beau coup de couteau qui lui avait fendu la poitrine lui a jamais arraché une plainte. Alors, à quoi avez-vous vu qu'il n'était pas dans son état ordinaire? Vous avez pu vous tromper. Me tromper, moi, quand il s'agit de mon colonel. Est-ce qu'une mère se trompe sur la santé de son enfant? Mieux que le médecin, elle voit s'il est malade ou s'il est bien portant. J'aime mon colonel comme s'il était mon enfant. Je ne me suis pas trompé. Il ne mangeait pas, il ne dormait pas. Et toujours, il restait absorbé comme s'il suivait la même pensée. Toujours, c'est-à-dire tant que je le voyais, car il passait ses journées entières à faire des courses dans les montagnes, et souvent même il ne rentrait pas, couchant dans une grange ou un chalet. L'arrivée du prince Mazzazzoli et de Mademoiselle Belmonte a dû égayer cette sombre humeur. J'avoue que pour moi, c'est avec plaisir que je les ai vus arriver. Aussi, j'ai tout fait pour les installer au Glion, ce qui n'a pas été facile. Comment pas facile ? Dans un hôtel, il est toujours facile de se loger, sans doute quand il y a de la place. Et il n'y avait pas de place dans votre hôtel quand ils sont arrivés? Non, pas une chambre. Le colonel ne leur avait-il pas retenu un appartement? Mais mon colonel ne savait pas qu'il devait venir en Suisse, et même, s'il l'avait su, il aurait quitté le Glion. C'est ce qu'il a voulu faire quand il a appris leur arrivée. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Il s'est trouvé entraîné par politesse à rester. Je ne comprends pas bien. Il faut que vous sachiez que nous occupions trois chambres qui se tenaient. Une pour mon colonel, une autre servait de salle à manger, car mon colonel n'avait pas voulu prendre ses repas dans la salle commune pour n'être pas dérangé par les importuns. La troisième enfin pour moi. Le prince et sa famille ne trouvant pas où se loger, Mon colonel a donné la salle à manger et ma chambre à Madame la comtesse Belmonte et à Mademoiselle Carmelita. Cela se passait le soir. Le lendemain matin, mon colonel annonça au prince son intention de quitter le Glion, tandis que de son côté, le prince annonçait à mon colonel la même intention. Naturellement, il en résulta une lutte de politesse et personne ne partit. Je comprends maintenant. Ce fut pour ne pas renvoyer le prince que le colonel resta. Précisément. Le prince avait posé la question de telle sorte qu'il n'y avait pas moyen pour mon colonel de s'en aller. Et peu à peu, il s'habitua à la présence du prince et de Carmelita. Cette présence lui fit du bien. Malgré lui, il fut obligé de parler, de se distraire. Il mangea à la même table que le prince. Et que Carmelita? Sans doute, tous ensemble, enfin. Et Mademoiselle Belmonte l'accompagna souvent dans ses excursions. Elle marche très bien, Mademoiselle Belmonte, et les ascensions ne lui font pas peur. Elle n'est pas comme son oncle, qui, j'en suis sûr, n'a pas fait 100 mètres au-delà du jardin de l'hôtel. C'était en tête-à-tête que le colonel et Carmelita faisaient ces excursions. Cela durait longtemps, c'est-à-dire, ce séjour s'est prolongé. Oui, assez longtemps, mais tout à coup, sans que rien le fasse prévoir, mon colonel a quitté le Glion. Et Carmelita, Mademoiselle Belmonte, Madame la Comtesse, le prince, moi, nous sommes tous restés, ne sachant pas ce que le colonel était devenu. La veille, par une journée d'orage terrible, le colonel et Mademoiselle Carmelita avaient fait une longue course dans la montagne, et ils n'étaient rentrés à l'hôtel que le soir tard. Le lendemain matin, au petit jour, mon colonel partait, sans prévenir personne, sans même laisser un mot. Nous voilà tous bien inquiets. Le prince voulait qu'on fît des recherches dans la montagne, craignant un accident. Moi, j'en ai fait au chemin de fer et j'ai appris que mon colonel était parti pour Genève. Les jours s'écoulèrent et il ne revint pas. Il n'écrivait pas, ni au prince, ni à moi. Où était-il? J'ai su plus tard qu'il avait été en Italie, aux environs de Florence et de Rome. Puis de l'Italie, il était revenu à Paris. Ce fut de Paris qu'il m'écrivit et m'envoya 3 lettres. Une pour le prince, une pour Madame la Comtesse Belmonte, une pour Mademoiselle Carmelita. Dans ces lettres, il paraît qu'il demandait Mademoiselle Carmelita en mariage. Et ça, c'est bizarre. Tout à coup, il part comme s'il se sauvait. Puis, au bout d'une dizaine de jours, il écrit pour demander en mariage celle d'auprès de qui il s'est sauvé. Mais la marquise ne trouvait pas cette conduite bizarre. Au contraire, elle s'expliquait très clairement comment les choses s'étaient passées depuis l'arrivée de Carmelita au Glion jusqu'au départ du colonel. Et son expérience féminine suppléait aux lacunes qui se trouvaient dans le récit d'Horace. La chance lui avait été favorable, en ne lui permettant pas d'entrer par la petite porte. À ce moment, une voiture roula sur le sable de la cour et s'arrêta devant le perron. « Mon colonel !» dit Horace, en voulant descendre. La marquise le retint. « Il est inutile d'aller au-devant de votre maître. Cela vous évitera de lui annoncer mon arrivée. Laissons-le entrer dans son appartement. Alors seulement, vous nous quitterez. Il est entendu que je me charge de tout. Je vous promets que vous ne serez pas grondé. Vous serez plutôt remercié. »